Putain, moi, c'est super sur la mesure. Sinon c'est bien sympa, tu vois. C'est pas mal, on peut improviser n'importe quoi. Thank you. Le troisième, c'est un La. La mineure. Sol. Alors ouais, Do, alors attends, ça fait. Je fais en partant sur la Fa. La mineur, Sol. C'est ça, ouais. Voter les gars. Sinon souvenirs qu'elle a sauvés, les profondeurs de son passé. Elle a parfois dans ses reflets tant de regards et de regrets qu'elle va noyer son amertume derrière un grand rideau. Uh-huh.